Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint, Annie Arnaud, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvert, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. À voix nue. Ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. Deuxième épisode, la révolution des œillets. Antonio Lobo Antunes, nous avons évoqué au cours de notre premier entretien votre jeunesse dans la bonne société lisboète, au temps du régime de Salazar. Nous avons parlé de ces 27 mois passés en Angola en tant que médecin pendant cette guerre coloniale qui a marqué le destin de beaucoup d'hommes. Je rappelle qu'ensuite, et nous en reparlerons, vous avez exercé en psychiatrie dans un hôpital de Lisbonne. Vous avez publié votre premier roman à 37 ans, en 1979. Un premier roman dont on parlera dans notre prochain entretien et qui vous a valu une célébrité aussi forte que soudaine, vous installant dans le paysage littéraire, non seulement portugais, mais très vite mondial. Nous allons parler de ces différentes choses, mais reprendre le fil. J'ai évoqué comme ça ces lectures le soir venu de la légende des siècles de Victor Hugo, le soir en attendant les attaques après le dîner. Et je voudrais évoquer ici un homme qui a beaucoup compté pour vous et qui a beaucoup compté aussi dans l'histoire du Portugal, c'est Ernesto Melo Antunes, qui était votre capitaine. Quelle a été la rencontre avec lui? Est-ce que ça s'est passé pendant la guerre en Angola? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses ensuite au Portugal? Oui, avant cela, vous avez parlé, que nous avons parlé de la jeunesse. Nous sommes encore en pleine jeunesse. Oui. Non, je pensais à Junger, l'écrivain allemand, qui, quand il a fait 100 ans, il a dit hein, « Plus je vieillis, plus j'ai d'avenir ». Et je pense en vérité ça. Je me souviens par exemple des yeux de certaines femmes très âgées de province, des paysannes qui ont une jeunesse incroyable. Et quand vous regardez le montre, vous avez l'impression que je sais pas comment on appelle ça. Les aiguilles. Voilà, les aiguilles marchent à l'envers. À l'envers, ouais. En marquant un temps qui a déjà été et qui pourtant continue d'être. Donc cette question d'âge. C'est très étrange pour moi. Je crois qu'on a l'âge avec lequel on est né. Il y a des gens qui sont nés avec 50 ans, des gens qui sont nés avec 6 mois, des gens qui sont nés avec 80 ans. Et vous pensez que vous êtes né à quel âge, alors? Je flotte. Je crois que je flotte. Mais j'ai toujours été attiré par les gens plus âgés que moi. Même physiquement, même par les femmes plus âgées que moi. Il y avait une sagesse, il y avait en même temps une chose que nous n'avons pas avec les femmes, c'est le miracle de pardonner et de comprendre sans juger. Ça, c'est une chose qu'une femme mûre a. Il y en a des femmes mûres quand même. C'est nous qui ne mourissons jamais. Mais cette capacité de comprendre sans juger, cette capacité de pardonner, et de voir en nous l'enfant que nous demeurons pendant toute notre vie. Car nous avons un côté tellement enfantin. Par exemple, nous les hommes, nous ne savons pas mentir. Et nous mentons d'une façon tellement stupide à une femme qu'elle découvre tout de suite que nous sommes en train de mentir. Et pourtant, elles ont l'élégance de faire semblant qu'elles ne vous croient. Et parfois, après, je me sens tellement coupable parce que, évidemment, elles savent que je mens. Et pourtant, elles reçoivent cela avec le même sourire affectueux, comme si je disais la vérité. Nous ne savons pas mentir, nous les hommes, nous sommes tellement idiots, tellement stupides. Et nous conservons ce côté enfantin, acritique. Moi, je détesterais être femme pour être avec un mec qui de temps en temps se comporte en petit enfant. Mais... Vous vouliez parler d'autre chose? Non, mais on parlait de votre capitaine qui était un peu plus âgé que vous, mais guère plus âgé, Ernesto Melo Antunes. Avec Melo Antunes, il était très vieux quand je l'ai connu, il avait 36 ans. Et c'était le seul officier de l'armée portugaise qui avait été candidat pour l'opposition aux élections de 69. Donc il est allé comme châtiment à la gare à nouveau. C'est un homme, physiquement, j'avais l'impression qu'il était le fils, que son père était Edward G. Robinson et que sa mère était un crapaud. Il ressemblait à un croisement entre Edward G. Robinson et un crapaud. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il exerçait une telle fascination sur les femmes. Il était un jeune capitaine, rien de plus. Il avait une très belle voix et c'était l'homme le plus courageux sous feu que j'ai connu. Là, j'ai compris aussi comme la voix est importante. Un jour, ma mère était très belle et mon père était laid. Un jour, j'ai demandé à ma mère, pourquoi tu t'es mariée, toi qui es belle, tu t'es mariée avec un homme si laid? Elle a fait un silence et elle m'a dit, parce qu'il a une voix qui me bouleverse. Et puis elle a fait une moue de mépris à ajouter, aucun de mes enfants n'a hérité la voix du père. Bah peut-être vous quand même, non? Non, mon père avait une voix très sensuelle. Parfois je l'appelais juste pour l'écouter dire bonsoir. Il disait bonsoir, c'était une voix auprès de laquelle vous n'aviez jamais froid. S'il avait du froid, vous pouvez tendre vos mains vers sa voix. Une voix incroyable. Et d'ailleurs, il savait s'en servir. Moi, j'étais très innocent à l'époque, je comprenais pas. Mais ils ont tiré toutes les mélodies, etc. C'était un chant de sirène. Bon, Ernest, il avait cela. En plus, c'était un homme d'un immense courage sous feu. On est restés très amis. Et on est revenu en 73, quand le mouvement des capitaines était déjà en marche. C'est lui qui a réussi à politiser tout cela. Mais quand même, il y a une chose que je lui pardonnerai jamais. Et qui fait que... Car entre-temps, j'ai eu une fille qui est née pendant la guerre. Hein. Pour moi, c'était très douloureux. On a envoyé un télégramme, tu as une fille, etc. Et ça, c'est une des choses que je pardonne pas au régime. N'avoir pas vu la fille. Donc, je voulais avoir une autre fille pour voir une grossesse, pour voir tout cela. Bon, et elle est née, elle pleurait tout le temps. Je pouvais pas dormir, elle pleurait tout le temps. Donc, Ernest Melantunes m'a offert un petit sinu, comme on dit. Un hochet. Voilà. Vous poussez une corde et ça fait plim, plim, plim, plim jusqu'à la fin. Bon, et elle commençait à pleurer, j'allais son berceau, je poussais le fil, ça commençait la petite musique, elle se taisait, je me recouchais, quand je m'endormais, le fil arrivait au bout, le truc se taisait, elle recommençait à bramer comme une folle, et moi, avec une envie folle de l'étrangler, de l'acheter par la fenêtre, elle remontait tout cela, je revenais au lit, la même chose pendant des heures. Ça, je ne lui ai jamais pardonné. Et je ne l'ai pas pardonné sa mort. Il est mort à 66 ans d'un cancer du poumon. Enfin, ce qu'il avait rêvé n'est pas arrivé. Il avait rêvé quoi? C'est un socialiste utopique. Lui, qui était un homme très intelligent, il croyait aux gens. En même temps, il était très naïf. Oui, il faut être très naïf pour croire aux gens. Il croyait à la pureté des gens. Il croyait qu'on pouvait mieux vivre. Il croyait vraiment à la bonté humaine. Il croyait, et à la générosité humaine. Bon, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, j'avais une toux, il fumait beaucoup, buvait beaucoup, j'ai un cancer au poumon, je vais mourir. Mais il m'a dit ça comme s'il me disait si on voulait dîner ensemble le jour suivant. Je ne l'ai jamais écouté se plaindre, il n'a pas... Il ne s'est jamais couché. Toujours dans un fauteuil, assis. Il tenait à aller à table, ça lui prenait une éternité pour marcher de son fauteuil jusqu'à la table à manger. Et j'étais là quand il a annoncé à ses enfants qu'il allait mourir. Et on était au milieu de la soupe. Et il a dit, j'ai un cancer au poumon, je vais mourir, et maintenant je veux pas qu'on reparle de ça. Et donc, je le visitais presque tous les jours. Et deux jours avant de mourir, il m'a dit, tu sais, je me suis réveillé tout mouillé ce matin. Ne me laisse pas mourir sans dignité. Mais il disait pas ça d'un air pathétique ou dramatique. C'était une conversation entre amis. Qui d'ailleurs, nos conversations parlaient très peu. On passait un après-midi sans rien dire. Et on avait l'impression qu'on avait énormément parlé. On jouait aux échecs, on parlait un peu de littérature. Je regardais l'utrillo que Chirac lui avait donné. Chirac était maire de Paris quand il est venu en France comme ministre des Affaires étrangères. Il était là, à l'époque un jeune homme de 40 ans, même pas. Il était très impressionné par Chirac. C'était pas la même famille politique. Mais vous savez, les choix politiques, c'est comme les choix au foot. J'aime l'équipe. C'est toujours des choix émotifs qui après vous rationalisez. Et cette histoire d'être tout droite ou gauche, moi qui avais le cœur très à gauche, et je crois que je l'ai encore, c'est un choix affectif. Aussi affectif qu'un choix à droite. Mon grand-père, le père de mon père, salazariste, catholique, rétrograde, militaire, il avait tout pour être un mauvais homme, et c'est l'homme le plus tolérant et le plus démocratique que j'ai connu. C'est très curieux, cela. Tandis que, enfin, j'étais compagnon de route du Parti communiste pendant... Il n'y avait aucune démocratie, aucune tolérance. Tout était vertical. Et en plus, ces gens-là, le premier comité central après la Révolution avait 2000 ans de prison. Donc, s'ils changeaient, c'était à l'époque de l'euro... communisme, de Berlinguer, etc., s'ils changeaient, toute leur vie serait restée sans sens. Toutes les années de prison, il y avait des gens qui ont eu 20 années de prison, de la torture, des choses incroyables. Le secrétaire général du parti, Cugnan, qui a essuyé 16 ans, je crois, de prison, 9 ans dans une cellule 2 pour 3. Ils ne pouvaient pas renier tout ça. Donc ça serait toute leur vie qui resterait sans raison. Et l'utopie soviétique, incroyable, l'utopie soviétique, ils y croyaient vraiment. Et c'était très difficile de parler avec eux, parce qu'à un certain moment, on entrait dans le dogme. C'était comme avec les catholiques. C'est plus possible de parler. C'est une question de foi. Et donc, je me suis éloigné. Je ne pouvais pas. Mais... J'étais trop anarchiste. Et j'avais une tête qui n'était pas conditionné, formaté, etc. Mais je comprends pas ces gens-là en même temps. C'était les seuls qui ont combattu la dictature. Presque les seuls. Et c'était des hommes d'un courage physique extraordinaire. D'ordinaire très petit, malingre. Comme les troupes d'élite que j'ai vues à la guerre, les paras par exemple. C'était pas des Hercules. C'était des jeunes hommes maigres, petits. Vous ne donniez rien pour eux. Et vous touchiez un bras comme ça, c'était du fer. Mais ils avaient une apparence complètement inoffensive. Ils étaient une troupe extraordinaire. Mais du coup, vous, Antonio Lobo Antunes, quand vous rentrez d'Angola, on est en avril 73, 12 mois seulement avant la révolution des œillets. Est-ce que vous aviez idée, en rentrant dans votre pays, qu'une révolution pouvait être possible? Écoutez, quand je suis rentré, il m'a fallu d'abord apprendre à vivre. Parce que je ne savais pas vivre. Parce que pendant tout ce temps-là, toutes ces années, je ne devais pas payer le gaz, ni l'électricité, ni l'eau, ni le loyer. Mais vous occupez de votre fille qui pleurait la nuit? Oui, je ne devais pas cuisiner. J'avais rien à faire. Faire des achats, rien. On me donnait tout. Donc, c'est très étrange. C'est comme si j'avais eu un accident vasculaire cérébral. Il me fallait réapprendre à vivre, à faire des courses, à payer un loyer, à avoir une vie de relation normale. Vous entendiez un bruit, vous jetez au sol parce que c'était... Donc, ça m'a pris des mois. Parce que tout avait changé sans rien changer. Je me souviens quand je suis arrivé, mes parents me disaient « Tiens, t'as pas changé ». J'étais furieux, ils comprenaient pas. Mais les petites habitudes quotidiennes, ça j'ai pris des mois à les réapprendre. Et entre-temps, le capitaine préparait le mouvement. Et il me parlait de tout cela, Ernest, il arrivait à la maison avec les espoirs, les désespoirs. C'était pas une révolution, c'était un petit coup d'État, fait par un nombre très restreint d'officiers, qui est en même temps un peu ridicule, parce que, comme la police politique s'infiltrait dans les lignes téléphoniques, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien de cela. Ils communiaient et communiquaient entre cabines téléphoniques. Donc une colonne militaire et le capitaine parlant au téléphone de la cabine et les blondés derrière, c'était un peu ridicule. Mais en ce temps-là, en même temps, j'étais occupé à essayer d'avoir une vie à nouveau normale. D'habiter dans une maison normale. Ce qui me manquait le plus à la guerre, c'était pas les femmes, c'était des rideaux, les calices, le macadam. Des choses comme ça. Les tapis. Quand j'ai revu un tapis, j'étais émerveillé. Un tapis, voilà, un tapis. Un calice, une chose comme ça. C'est des choses comme ça, qu'on n'avait pas. Mais il y a eu le travail, parce que vous avez travaillé dans un hôpital. D'ailleurs, je suis rentré à l'hôpital où j'étais. Ouais. Puis, ça a été une expérience très difficile parce que votre troisième livre, cette fois, Antonio Lobo Antunes, il a fait scandale parce que vous décriviez ce qui se passait dans un hôpital psychiatrique. Ce n'était pas cet hôpital-là. Je suis revenu à l'hôpital où je travaillais d'abord, c'était l'hôpital universitaire. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes parce que c'était une sorte bête. Parce que l'entraînement était très brutal, dans une direction seulement. Et j'avais pas de manière. Donc, fallait que j'ai eu deux procès disciplinaires, pour insubordination contre un supérieur, etc. Donc, j'ai dû changer d'hôpital. Et là, j'étais à peu près apprivoisé. J'étais redevenu un animal social. Un Portugais comme les autres. Ou un Français comme les autres, n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Vous faites comme ça le petit vernis des différentes linguistiques, le problème c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Donc, je suis parti pour un hôpital psychiatrique où j'ai travaillé travaillé le moins possible, jusqu'à ce que je puisse vivre des livres. Car entre-temps, un premier livre a sorti en 79, deux livres en 79, un autre notre année, parce que j'ai passé des années à être jeté par toutes les maisons d'édition. Donc j'écrivais, ils étaient là, et personne ne voulait de moi nulle part. Nulle part. Ici en France, par exemple, personne n'a voulu. Il y a eu un premier livre, le cul de Judas, dans une petite maison d'édition. Un deuxième livre chez Albin Michel. Et là, j'ai eu une chance inouïe. Il y avait un critique au Canard. Au Canard enchaîné, très influent à l'époque. Ça, c'était en 81, 82. C'était Jean Clémentin. Je me souviens que il m'a donné deux pages et Amado, l'écrivain brésilien qui vivait ici, était comme un père pour moi. M'a envoyé la critique à Lisbonne, une coupure de presse avec un petit billet en disant « Une critique comme ça de Clémentin, c'est la gloire. » Bon, et soudain, l'agent, j'avais un agent américain, a fait des enchères ici en France. Mais Nabokov lui a dit que le meilleur éditeur pour moi, c'était Christian Bourgois, donc... Et j'ai commencé à publier. Le premier contrat, il a signé pour trois livres que j'avais pas encore écrits. J'étais très surpris, car personne jusqu'à me voulait. Donc, et les livres sortaient, les journaux ne parlaient rien, personne ne disait rien. Et puis j'ai eu un livre aux États-Unis. Et je suis allé à la... C'était Random House, une très grande maison d'édition. Je suis allé avec l'agent. L'agent, il était américain aussi. Et j'ai demandé à l'éditeur, vous avez lu mon livre, le livre que vous avez publié? Non, non, je ne l'ai pas lu. Bon, alors, pourquoi donc allez-vous le publier? Parce que s'il est mauvais, je n'achète plus aucun livre à cet agent. Donc, il a publié comme ça. Et c'était... Nous avons eu beaucoup de chance, car on a eu New York Times, on a eu Washington Post, on a eu Los Angeles Times, on a eu Chicago Tribune. Donc, si vous avez cela, vous avez l'Amérique. Mais ça vous a permis d'arrêter de travailler à l'hôpital en 85, après. 86, je crois. Mais par contre, vous avez continué, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, à aller très régulièrement, peut-être toutes les semaines, dans l'hôpital. Non, non, non, c'est fini depuis longtemps. Depuis combien de temps vous n'y alliez plus? Depuis que j'ai trouvé... Car j'écrirais tellement monotone. Donc le matin, j'écrivais dans un endroit, l'après-midi dans un autre, le soir dans un autre. Moi, j'ai trouvé... J'avais un problème avec les maisons, avec les appartements. Il y avait des appartements et des maisons qui ne m'aimaient pas. Et j'avais l'impression qu'ils me poussaient vers le dehors. Hein. Ils ne m'aimaient pas. Et il y a 3-4 ans, j'ai trouvé un endroit avec lequel j'ai une relation... Du moins, il me supporte. Il ne me pousse pas à la porte. Et donc, j'écris là. Là, j'écris rien maintenant. J'écris rien. Et quand un livre c'est fini, là, c'est une peur bleue de ne... que ça soit tari. Donc, je travaille là. Mais à l'hôpital, quand même, ça m'a donné un livre que j'aime bien. C'était la seule fois que je suis devenu enceinte de l'extérieur. J'écrivais la porte ouverte et dans l'ancien cabinet de consultation. Et donc, je voyais le couloir, les gens de la consultation qui passaient. Et une dame m'a attiré mon regard. C'était une dame à peu près 80 ans, habillée en noir, comme une veuve. Qui avait une très belle chevelure blanche et des yeux bleus très très beaux. C'était une, quand elle était très jeune, une paysanne du centre du pays, qui comme ses parents voulaient qu'elle ait une vie meilleure, la faisait travailler en couture, elle cousait. Et qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon, elle avait 15 ans, il avait 17 ans. C'était un garçon qui travaillait dans les champs. Donc, mais à cette époque-là, je ne sais pas, il y a 70 ans, 60, quelque chose comme ça, 60 ans, ces amours d'adolescence étaient très lointains. Ils se regardaient, ils s'écrivaient, c'était tout. Et quand elle avait 18 ans, sa famille, pour que sa vie s'améliore, l'a envoyée à Lisbonne, où elle continua à travailler comme couturière chez des parentes. Chargé de surveiller sa virginité et sa vertu. Et le jeune garçon, il est venu lui aussi. Il a trouvé un emploi comme ouvrier dans la grande compagnie nationale de bus, etc., c'est le transport public. Et soudain, à 18 ans, elle a eu une tuberculose. Elle était internée dans un sanatorium. Il lui écrivait. Et elle lui répondait, mais ses lettres à elle ne pouvaient pas lui arriver parce qu'on ne voulait pas que les bacilles viennent dans les lettres. Donc il pensa qu'elle était morte. Il a fini par être économiste d'une sorte de l'ENA portugaise. Il était administrateur de la compagnie où il était entré comme ouvrier. Il s'est marié, il a eu des enfants. Il a commencé à avoir une très bonne vie, des maisons de vacances, etc. Il était plus ou moins heureux avec sa femme et ses deux filles, mais elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte, et à 22 ou 23 ans, elle est revenue à Lisbonne, guérie. Elle recommença son métier de couturière, et tous les mercredis, elle sortait que les mercredis pour donner aux clientes le linge qu'elle avait. Bon. Et un jour, quand ils avaient 40 ans, ils se rencontrèrent dans la rue. La femme qu'il pensait qu'était morte, et elle qui pensait que lui ne voulait plus d'elle. C'est une rencontre très émouvante entre eux. Et pendant 40 ans, tous les mercredis, à 3 heures de l'après-midi, le jour où elle allait donner la... Là, hein, ils se rencontraient dans un petit hôtel près de la grande compagnie dont il était administrateur. Seulement les après-midi. Et elle disait au médecin, parfois, docteur, vous savez, on faisait même pas l'amour, on restait la main dans la main. Puis l'après-midi finissait, il revenait vers sa femme, elle vers la maison. Il y avait une autre chose qu'il faisait le printemps, quand les acacias étaient en fleurs à Sintra, il trouvait une excuse auprès de sa femme, un match de foot, quelque chose, et l'emmenait voir les acacias en fleurs. En été, il allait pour sa maison de vacances en Algarve, au sud du pays, et elle louait une petite chambre dans la même ville. Et il était dans la plage à 20 mètres de lui pour qu'ils puissent se regarder l'un l'autre. Et ça a duré pendant 40 ans comme ça. Et quand le médecin lui a demandé, c'est cher quand même à louer même une chambre, je ne pouvais pas lui demander de l'argent parce que je l'aimais. Et ça a duré 40 ans, comme ça. Et un jour, un mois avant la consultation, ils étaient ensemble, et le monsieur qui avait 80 ans a eu une attaque cardiaque et est mort. En plein hôtel. Et là, c'est son problème à elle. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Il peut pas dire, sa femme ne peut pas savoir cela. Et elle connaissait les filles du monsieur, pas à cause de la plage, des voisins de plage. L'une d'elles était mariée avec un avocat important. Elle a appelé l'avocat, on a fait sortir discrètement le monsieur par derrière. On a dit à sa femme qu'il était mort d'un attaque cardiaque dans l'entreprise, je ne sais pas quoi. Et là commença son tourment à elle. Parce qu'elle ne pouvait pas aller aux obsèques, parce que les gens allaient demander qu'est-ce que fait ici la voisine de plage. Et elle ne pouvait pas aller à la messe. Donc elle visitait en cachette le tombeau. Et là a commencé une dépression, elle est allée au médecin à cause de cette dépression-là. C'était une histoire incroyable, j'étais tellement ému par cela. J'ai raconté ça à mes filles. Commentaire, quelle idiote! Elle aurait dû exiger qu'il se sépare pour vivre avec lui. Elle comprenait pas qu'au fond, cette femme a eu le meilleur de cet homme. Et qu'à sa façon, à eux, ils ont été heureux pendant 40 ans. Et ça m'a donné un livre qui s'appelle « Oui, d'amar ma pedra ». C'est traduit en France avec je ne sais quel nom. Le titre, c'est « Il me faut aimer une pierre ». L'amour de cette femme est une des choses les plus pures et les plus grandes que j'ai vues. Une capacité d'amour que les hommes n'ont pas. Elle a accepté pendant 40 ans de voir un homme, l'homme qu'elle aimait, doit 2 ou 3 heures pendant le mercredi, regarder les acacias et le regarder dans la plage avec sa femme et ses enfants. C'était À voix nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo Antunes. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Desvignes, prise de son Valérie Lavalard, attachée d'émission Claire Poinsignon. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Demain, 3e épisode, l'entrée en littérature. France Culture, un été d'écrivain. Humanité d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Ce soir, les pages arrachées à un livre de Antonio Lobo Antunes, Mon nom est Légion, un livre paru aux éditions Bourgois. Un policier en fin de carrière a reçu pour mission de neutraliser une bande d'adolescents se livrant, comme le dit l'auteur, à des actes antisociaux à caractère violent et qui a pour base de repli le quartier du 1er mai, amoncellement d'habitations clandestines au nord-ouest de Lisbonne. Le policier n'est cependant que le premier d'une longue série de narrateurs, tous concernés à des titres divers par cette enquête. David Holofen, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo Antunes, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Vallès. Antonio Lobo Antunes. Mon nom est Légion. Extrait. Deuxième émission. Texte dit par Marie Lenoir. Je n'ai jamais aimé habiter dans ce quartier où j'ai passé mon temps à dire « je m'en vais ». À décider « je m'en vais ». Mes affaires rangées dans le carton que ma tante m'avait remis dans la cuisine. Tu as un bus à 10 heures. Tandis que le rideau raccommodé n'en finissait pas de me dire adieu. Et le petit chien jaune, on s'entendait bien tous les deux. Se frottant à mes chevilles sans comprendre, le pauvre, ça me manque une petite créature qui me renverse d'enthousiasme, même si c'est un bâtard sans nom. Du reste, je ne comprends pas pour quelle raison il ne lui donnait pas de nom. J'en avais écrit je ne sais combien au crayon à papier. Quand les lettres ne venaient pas noircir la feuille, c'est ma langue qui noircissait. À force de sucer la pointe de graphite. Je regardais le petit chien et je regardais les noms pour comparer. Et comme sur plus d'une vingtaine, pas un ne lui ressemblait vraiment, j'ai renoncé. Ma tante l'appelait cette bestiole. Le mari de ma tante muet. Moi, un mot que j'ai honte de dire, donc que je ne dis pas. Si je le disais, qui ça pourrait bien intéresser, pas vrai? Le mot secret que j'ai gardé pour un homme jusqu'à être vieille. Et au train où vont les choses que je continuerai de garder quand je serai plus que vieille. Le mauvais œil qui me poursuit comme la robe de communiante et les saules. Faute de mieux, je l'ai bien utilisé avec le chien, c'est vrai. Mais dans ma tête, en cachette. L'animal lui-même ne l'a pas su. Et d'ailleurs, l'homme, si j'en avais eu un, ne l'aurais pas su non plus, si par hasard ça m'avait échappé. En retour, j'aurais eu droit à un air interloqué. « Qu'est-ce qui lui prend à celle-là aujourd'hui ?» Ou, au lieu de « Qu'est-ce qui lui prend à celle-là aujourd'hui ?» Il aurait fait semblant de ne pas comprendre. « Pardon ?» Tandis que le petit chien ne faisait jamais semblant, lui. Il venait se frotter à mes chevilles. Il aboyait après les serpents. Il acceptait. D'après mes calculs, ça doit faire des siècles qu'il est mort. Peut-être d'un liquide dans les poumons. Comme le petit chien avant lui que le vétérinaire... On abat la bête. A aidé d'un comprimé. On est resté à attendre la main sur la bouche. Et après quelques secondes... Une minute. Le museau bien qu'identique, différent. Je ne sais pas comment expliquer, mais différent. Le chien, un autre chien. Quid d'une autre, alors? Notre chien, monsieur? Du coup, puisque ce n'était plus le même, ça m'était bien égal qu'on l'incinère dans le four. Je me fichais de savoir d'où venait cette fumée et cette puanteur de rayon. C'est ma tante qui ne s'en fichait pas. Elle s'est essuyée avec son mouchoir pour que le médecin se dise... Elle souffre, la pauvre. Alors qu'elle ne souffrait pas le moins du monde. Jamais elle n'a souffert pour moi. Une personne qui vous dit « Tu as un bus à 10 heures. » Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à la place du cœur, ma tante, s'essuyant avec son mouchoir et son mari faisant craquer ses phalanges? de l'homme au milieu des saules qui ne méritait pas le mot secret. Il ne m'est absolument rien resté. Et qui me dit que lui, pas un mot secret à son tour? J'écrirai des noms un jour, et je le confronterai à ces noms, avec la crainte qu'il y en ait un qui colle, ou plutôt, je mens, sans crainte qu'il y en ait un qui colle. Je le connais depuis belle lurette, le nom qui correspond, mais je ne l'écrirai pas, rassurez-vous. Si je l'écrivais, même en cachant avec mon épaule, qui voudrait de moi après? Le petit chien, avant ce petit chien, dilaté dans son panier, indifférent à la nourriture, s'efforçant de respirer, j'espère ne plus jamais voir ses yeux révulsés d'horreur. Les miens, un de ces jours révulsés d'horreur, mais refusez que je disparaisse, aidez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je trouverai de l'argent. Je travaille sur la place. J'accepte les aveugles, dont les doigts, même si je le suis déjà, continuent de me déshabiller. Ma jolie, empêchez-moi de brûler. Le four marchait encore lorsqu'on est sorti de la clinique. On entendait les sifflements des flammes et des bulles de graisse. Tandis que si un métis meurt dans ce quartier, il le balance à la décharge. Où il reste des semaines sur un talus jusqu'à ce que les insectes l'emportent en terre. J'ai passé mon temps à dire « je m'en vais ». À décider « je m'en vais ». Et à tenter de convaincre le nègre de s'en aller avec moi. Lui, à l'autre bout du couvre-lit, n'ayant pas peur de moi, ayant peur des gosses. On ne peut pas, madame. Pendant que celui à la sucette s'amusait avec son avion sans faire attention à nous, et le nègre fixant le pistolet sur ses genoux. La dame parle pas sérieusement, gamin. Pendant que l'avion en fer blanc, et maintenant que je suis seule, sans aucun nègre, sans aucun môme, attendant la tombée de la nuit, j'attrape le carton. Je lâche le carton et j'ignore pour quelle raison je ne pars pas d'ici. J'aperçois les mulâtres dans leur baraque. J'entends la lenteur de la pluie sur les toits déglingués. Et le sang qui hésite dans mon corps avec la paresse de l'eau renversée, choisissant son chemin entre les planches. Et je tâche d'empêcher que le mot secret, le seul qui me reste, s'évapore avec lui. Je ne permettrai pas qu'on l'entende, parce que si on l'entendait, moi encore plus seule. Je n'ai jamais aimé ce quartier avec la police à l'affût dans les figuiers sauvages. Je me demande si le nègre me manque avec ses bras entortillés. Madame, je crois bien que le petit chien jaune me manque. Celui du four marron, il a secoué sa queue une fois pour faire savoir « je suis là ». Et on voyait bien son amitié, ses efforts. Il a observé le vétérinaire sans se fâcher contre lui. Il m'a observé et alors là oui. Ce qui m'épouvante, ce que je n'accepte pas, l'horreur. Tout comme le portillon que l'on fermait en rabattant un crochet sur un clou et c'est tout. Un petit chien et un portillon. C'est suffisant. À 7 heures sur la place, mes collègues. La vieille? Non, à 7 heures sur la place, mes collègues. Quelle vieille? De la même façon que j'ai oublié la blondinette qui s'est pendue dans la chambre numéro 11. Elle avait payé la note, toute contente en expliquant. Le client ne veut pas être vu avec moi. Il arrivera seul un peu plus tard. Elle sortait de chez le coiffeur et une jupe neuve. Le patron de l'hôtel lui a remis la clé et a entendu le sifflotement heureux dans l'escalier. On dit, je ne sais pas, que les après-midi où son épouse, en consultation pour les os, il l'appelait dans son bureau. La blondinette a continué de siffloter, on l'entendait depuis le rez-de-chaussée en même temps que les pas. Jusqu'à un bruit mat, comme si une chute ou quelque chose. Et le sifflotement interrompu en plein milieu d'une note. L'impression qu'on avait coupé la musique au couteau, d'un coup net. L'épouse du patron de l'hôtel, tous les traits aspirés au centre du visage. Elle a lâché son crochet, bondi de sa chaise. « Vite !» Les os élastiques, fabuleux. Plus besoin de consultation. Les sourcils, le menton et le nez se sont mis à tourbillonner, ont disparu dans sa bouche. « Vite !» Ils sont arrivés avant nous, dans la chambre. comme s'il n'y avait pas une marche. Une fois, j'ai accompagné le nègre. Autrement dit, une femme plus âgée que nous, malade, avec des chevilles énormes, que la bouche engloutirait. Et la bouche, pas elle, qui insistait. Vite ! Et nous tourbillonnant sur son visage avant de disparaître un à un. Mes collègues, les clients, le patron de l'hôtel, moi. Il y en a une qui n'a pas disparu. C'est la blondinette pendue à la corniche de l'armoire. Je dis la blondinette, mais ce n'est pas de la personne entière. C'est des jambes pendouillantes que je parle. J'aurais voulu tenir le chien dans mes bras afin de le protéger de l'horreur. Mais je n'en ai pas été capable. Ses poumons à lui, mes poumons. La queue qui capitulait m'appartenant à moi. Une de mes collègues... Une fois, j'ai accompagné le nègre. C'est signé. Le patron de l'hôtel s'est affaissé sur lui-même. Lui, oui, malade. A tenté de se tenir au vide qui ne le tenait pas, et s'est assis sur le lit. Si ma tante avec nous, elle aurait désigné la corniche. C'est ton amie, celle-là ? Le sifflotement, toujours, les mêmes pas au plafond. Une joie sincère. Et moi sans réponse. Qu'est-ce que c'est, une femme ? Peut-être le mot secret qu'un jour je finirai par dire. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Si seulement en refermant le portillon on refermait la vie entière, avec la robe de communiante et les châtiments du Très-Haut, pour devenir par exemple une feuille, rapetissant dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'en reste pas même les nervures. Je ne m'en vais pas de ce quartier parce que je ne sais pas si j'existe depuis que je suis seule et qu'aucun nègre... Madame. Une fois, je l'ai accompagnée avec les petits métis dans une villa à Sintra. Et pas de nuit, de jour, l'hiver. Quand sombre à 3 heures, des fleurs monstrueuses écarlates et lilas dégoulinant des murs. Et nous, ni métisse ni nègre. Moi, une négresse, une odeur de négresse, puisque ce qu'il y avait en moi d'une blanche, je l'ai perdue. Écarlate et lila aussi. Des chuchotements écarlate et lila. Des disputes écarlate et lila. Des gestes écarlate et lila. Des routes qui allaient se perdre au fond de propriété. Des portiques en bois, des grilles. La villa presque au sommet de la montagne. La blondinette dans mes bras me ferait-elle confiance comme le petit chien ? Un des gamins, pas métisse. Écarlate et lila. La maison là-bas. Au 4/5 de la pente. Une partie dans le brouillard. Le grenier et la terrasse dégagés. Des palmiers nains indiquant la piscine. Autrement dit, une allée de gravier où une tondeuse les dents en l'air. Ne t'approche pas, je mords. J'ai essayé de le convaincre. Le carton déjà prêt de s'en aller avec moi. Et le nègre croisant, décroisant les bras, craignant qu'on nous entende, a renvoyé ma voix de la main. « On ne peut pas, madame !» Au pied de la villa, un tricycle sur lequel un des gamins s'est installé. « Il est à moi !» Et comme une des roues bloquées l'empêchait d'avancer, ils l'ont lancé contre un orme, et aucun écho à cause du brouillard. Aucune couleur excepté l'écarlate et le lilas. Puis l'écarlate et le lilas se dissipant à leur tour. Pour quel motif incompréhensible, je ne pars pas d'ici. Jusqu'au moment où seuls des éperons rocheux, des silhouettes et des ruines de mouvement. Ce que peut-être je verrai depuis mon cercueil un jour. Le nègre, une brique contre une des fenêtres et les carreaux cassés en silence. Un nid de cigogne est tombé de la cheminée en gros paquets boueux. Les gamins écarlates et lilas se sont introduits dans la villa par les carreaux cassés. Et des canapés, des tapis. Une personne ni écarlate ni lilas, blanche. Depuis combien de temps je ne suis plus blanche, moi ? Plus grande qu'eux. De la taille du nègre. Courant. Un pistolet, 2 pistolets. Une autre personne en train de courir. Un vaisselier qui s'écroule sans qu'on y ait touché. Un des gamins métis. Plus écarlate ni lilas. Métis à nouveau. Courant lui aussi. Même moi, ils me font peur. Je pensais pourtant l'avoir perdu, la peur. Comme j'ai perdu tout le reste. Hormis le mot secret que je ne dirai même pas à l'homme au milieu des saules. Moi, au lieu du bus de 10 heures, aux ordures aussi, jusqu'à ce qu'on ne remarque plus le plâtre de ma peau. Et un des petits métis courant à travers la villa, vexé d'avoir envie de se blottir dans mes bras, transi d'amour. Ne me laissez pas. Tous les petits métis en train de courir à travers la villa. Et des crans d'arrêt et des couteaux. À un moment, j'ai pensé que pas des crans d'arrêt et des couteaux pour de vrai, en plastique ou en carton, qui ne coupaient pas. Une femme sous la véranda, et eux qui lui arrivaient tout juste à la taille, en train de lui sauter autour. Pendant que je faisais chauffer le repas, le petit chien jaune venait me sauter autour, faisant mine de la taillader avec des jouets, se lançant à sa poursuite, la mordant. En plus des crans d'arrêt et des couteaux, un marteau. Et le policier, en s'adressant à moi, ou moitié à moi, moitié à son calepin, « Attendez, attendez, un marteau ?» À cause du marteau, pas des crans d'arrêt et des couteaux, la femme, « Je vous en prie !» Contrairement à l'épouse du patron de l'hôtel, les traits pas tous aspirés vers la bouche, se carapatant vers l'extérieur. Et la bouche, pas de lèvres, pas de langue. Une ouverture avec des gencives. « Je vous en prie !» Moi, incapable de dire si c'était une adulte en train de s'amuser avec des mômes en faisant mine de mourir et en forçant sur les grimaces, les spasmes. « Je suis morte. » Le policier, le calepin suspendu. « Pour de rire ou pour de bon, qu'est-ce qu'on met, l'ami ?» 60, 65 ans. J'ai du mal à donner un âge quand je ne sens pas moi-même le travail de sable des années. Et la vésicule, sainte mère, la vésicule. Le policier blablabla, insistant. Je suis sûre de l'avoir vu un après-midi sur la place nous détailler une à une, bien décidé à discuter tarifs et horaires. Et dans la chambre, je suis prête à parier des exigences, des manies. Prendons cette ceinture, petite mère. Ou si elle était réellement en train de mourir. Moi, toujours dans le doute, malgré l'omoplate à l'air et la botte qui s'était arrêtée de marcher et perdait courage sur le carrelage. La femme, une deuxième femme. Un homme que les coups de fusil ont fait s'écrouler dans une cascade de pièces. Le petit doigt par-ci, le ventre par-là. La quantité de morceaux dont on est fait, mes aïeux. Et la montre, abolissant en un instant ce qui nous sépare de la nuit. Si la pendule de la cuisine de ma tante, pareil à la montre. Les saisons auraient galopé en nous faisant leurs adieux. Pas le temps, désolé. Et moi, à 10 ans avec des petits-enfants. Le policier à 4 pattes sur le bureau, par-dessus des photos, de la paperasse. Prendons cette ceinture, petite mère. Une villa à Sintra en janvier. Des fleurs écarlates et lilas, dégoulinant des murs. Et nous, ni métis ni nègres. Moi, une négresse. Une odeur de négresse, puisque ce qu'il y a en moi d'une blanche, je l'ai perdue. Écarlate et lila. La deuxième femme, écarlate et lila, serrant dans sa main le manche d'un tournevis planté dans son échine, butant contre la penderie. Et des vêtements trop chers pour ma bourse, éparpillés au sol. Un des gamins écarlate et lila l'a atteinte avec des ciseaux écarlate et lila, et une tache écarlate et lila s'arrondissant sur le corsage. Le policier entre moi et le calepin. Prendons cette ceinture, petite mère. Et l'aiguille de la montre dans une hâte fiévreuse. Répétez ça. Avant que le directeur ou le chef la fasse repartir en arrière et m'ordonne. Répétez ça. Si bien que le policier. Répétez ça. Au lieu de. Prendons cette ceinture, petite mère. Par-dessus les photos et la paperasse. Prendons cette ceinture, ce tournevis, ces ciseaux, ce fusil, petite mère, la montre, des tours et des tours, pendant que lui, petite mère, et une fois fini, les mains sur le visage, le dégoût. Je vais t'embrocher avec le tournevis, je vais te tailler en pièces. L'argent compté 2 fois, un dernier billet qui lui glisse entre les doigts. Pour que tu m'oublies. De même que la montagne silencieuse, moi silencieuse, le policier, les mains sur le visage. Pourquoi cette histoire de ceinture? Je ne comprends pas pourquoi. Et je serai incapable de le prendre dans mes bras pendant le comprimé, On remarquait une humidité sur les fleurs écarlates et lilas qui goûtaient des corolles. Si je m'étais blessée, aucune humidité n'aurait suinté. Elle se serait mêlée à celle des feuilles. Le nègre, pas seulement le pistolet, un bout de collier. Madame. Gros, grand, habillé, ne me regardant pas. Le policier avec son calepin à l'arrêt. Et dans un petit bureau à côté, difficile à situer vu que la voix se déplaçait, un type. Pas ma tante, tu as un bus à 10 heures. En train de pester. Des photos du nègre, des métisses et des femmes dans la villa. D'une pompe à essence avec des croix à l'encre. Pas écarlate, pas lila. Un plan du quartier avec des croix également. Et ma photo sous la photo du nègre. Autrement dit, une vieille que j'ai mis du temps à reconnaître. Les cheveux encore teints en blond. Et encore blanche, m'a-t-il semblé. Plus jeune que moi. Malgré tout, sans un gars pour la protéger. Et de temps en temps... Ma poupée. Allongée sur le dos dans l'hôtel de la place, fumant une cigarette. Je l'aurais touchée, et lui... Suffit. Sans avoir besoin d'écarter mon bras qui se serait écarté tout seul. Jusqu'à ne plus occuper le moindre espace. Moi, avec plus de parfum, plus de dentelle, les boucles d'oreilles que le type du monde-piété m'avait prêtées pour l'avoir accompagné dans l'entrepôt, ou, y compris des perruches et des cercueils qui me coupaient l'envie, le type du monde-piété... Tu sais pas faire mieux que ça? Moi, l'envie de jurer. C'est pas ma faute, monsieur, c'est la faute aux bières. Parce que dans le capitonnage satiné, c'était ma personne qui se trouvait allongée. Et sur le petit coussin pour la nuque, c'était mes mèches que je voyais. Les perruches me toisaient depuis leur abreuvoir en porcelaine. Elle sait pas faire mieux que ça? Passant de perchoir en perchoir, fâchée après moi. En plus des perruches et des cercueils, des animaux empaillés. Un renard, un écureuil me tendant la noisette qu'il tenait entre ses pattes. Des machines à écrire de l'époque des Carthaginois. N'attendant qu'un petit doigt capable de cette lettre dont je rêve depuis tant d'années. Si je lisais mon nom sur une enveloppe, moi radieuse. Les boucles d'oreilles finalement oxydées et un point de soudure pour en faire tenir les volutes. Glisser une feuille dans la machine et m'écrire à moi-même. La femme. Je vous en prie! Écarlate et lila sous la véranda, plus debout, couchée. Et les chiens, un répit. La villa avec l'écarlate et le lila des fleurs sur les murs, sur le parquet, sur la nappe que quelqu'un avait attachée puis détachée. Le gamin à la sucette s'amusait avec une poupée dénichée dans l'office, à l'habiller, la déshabiller, inquiet pour l'un de ses membres en céramique, je crois. Non, un matériau que je ne connais pas, qui se déboîtait. Il est venu la poser dans la seconde voiture volée. Deux voitures volées. Peut-être que ça le gênait de dire « Maman, à moi qui n'ai pas d'enfant, n'ai pas eu d'enfant. » N'ai pas eu l'envie d'avoir des enfants. Monsieur, si vous acceptez de le relâcher, je fais tout ce que vous voulez, je vous le promets. Je vous guide dans le quartier. Je vous dis où habitent les métis. Je vous les livre. Je ne supporte pas d'entendre en sortant de chez le vétérinaire. Je ne supporte pas d'entendre en sortant du commissariat le sifflement des flammes, les bulles de graisse. Moi faisant semblant de dormir. Et le gamin qui prenait soin de moi, vous comprenez? Il cachait des sous dans mon sac à main. De l'argenterie, et avec les sous, une petite carte. Maman. La fameuse lettre d'un inconnu que j'attends depuis si longtemps, et moi radieuse. Il me mettait sur le couvre-lit des goupilles de grenades, des bonbons, des balles. Une fois, il m'a prêté l'avion. C'était Antonio Lobo Antunes. Mon nom est Légion. Extrait. Deuxième émission, texte dit par Marie Lenoir. Assistance technique et montage, Sylvain D'Angoise. Prise de son et mixage, Rémi Fessard. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Étienne Vallès. Mon nom est Légion est publié aux éditions Christian Bourgois dans la traduction de Dominique Nedelec. C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Antonio Lobo Antunes. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette série. À demain. Thank you.